Bonjour, je m'appelle Jean Cheval. Je vais vous raconter une histoire d'amour comme il en arrive tous les jours, ou presque. À l'époque, pas si lointaine que ça, je passais mon temps à écumer les trottoirs parisiens, cherchant aventure ou espérant simplement qu'elle me trouvât. C'était vendredi soir, j'avais bon espoir de rencontrer de la belle demoiselle. À la sortie d'un bar où j'avais bu une bière au caramba, je vis une divine gazelle. Je m'approchais de la donzelle rock'n'roll et lui adressais la parole. Quel est ton nom, belle créature de ce lagon? Elle s'appelait Fiona. Fiona, Fiona, Fiona,